L'état sait que rien n'arrête l'élan furieux des démons de là-bas. L'armée l'a appris à ses dépens là-bas. Ils se demandent quoi faire, des descendants d'esclaves d'abord tirent ailleurs et fait la gare. Ils auraient voulu nous voir naître ailleurs. Il vaudrait mieux régler ça pacifiquement au plus vite, car notre patience a des limites. Voter les quotas et appliquer les seules conditions pour éventuellement engager des pourparlers. Pour parler de quoi? 30 ans de combat, de débat, pour arriver à quoi? On ne jouit toujours pas de nos droits et on nous parle d'un déficit de 1100 milliards, j'y crois pas. La facture est salée, mais quand les Français vont-ils se réveiller plutôt que de se recroqueviller sur une pseudo-gloire passée? C'est à SKPC que toute injustice un jour se paie. On reprend le flambeau des guerriers de la paix. On rend hommage à Ben Barka, dommage collatéral qu'on n'oubliera pas. Hommage à Ho Chi Minh, Lumumba, on obtient nos droits par le combat. Hommage à Che Guevara, Zapata, la victoire ou la mort, les vrais soldats. Hommage à Geronimo, Samuel Herrero, aux guerriers Herrero, aux vrais héros. Mon diagnostic, la terre a le cancer du côlon. Au stade terminal avec une circonstance aggravante, la haine raciale. On a un remède radical, une jeunesse qui se bat pour son idéal. Fier de reprendre la relève de nos aînés, de porter haut nos valeurs, c'est notre destinée. Qu'ils arrêtent d'être étonnés, maintenant que la poudre, le tonnerre vont se déchaîner. La peine se transforme en haine puis en rage. C'est l'heure de l'orage, plus personne n'est à l'abri. Vous avez bien ri, maintenant c'est l'heure des cris de guerre. On sonne le rassemblement pour nettoyer le parlement, l'assemblée, Matignon et l'Elysée au Karcher. Débarrasser la France de ses geôliers devenus la risée du monde entier, ça va saigner. Les gens n'ont plus peur de rien, à la folie bientôt ils vont céder. Mais l'espoir lui ne peut décéder. On rend hommage à Bob Marley, l'Afrique aux Africains dans l'unité. Hommage à Peter Tosh, cette fois-ci on loupera pas le coche. Hommage à qui soit lâche, Tupac Shakur, quand on touche à mes frères Jacour. Hommage à John Lennon, un des grands hommes qui façonne l'avenir avant que le glan sonne. On rend hommage à Gandhi, Martin Luther King, comme James dit, la paix pour un signe. Hommage à Malcolm X, au Black Panther, l'égalité des droits comme idée fixe. Hommage à George Jackson, touche pas à mes frères ou je te désarçonne. Hommage à tous les anonymes qui ont combattu le mal dans l'ombre. Et tous les autres, la liste est bien trop longue. Comme a dit une sœur d'Afrique, les politiques devraient s'occuper des jeunes en jeunes forcés. Avant que ces derniers ne s'occupent d'eux, ces derniers se révéleront un jour être les premiers. C'est écrit noir sur blanc dans les textes sacrés. Mais la religion, le droit, ne fonctionne que dans leur intérêt. Sinon pourquoi l'aurait-il créé? Ils défient le Seigneur et ne préparent pas un avenir meilleur. Pourtant, eux aussi ont des enfants. À croire qu'ils ont vendu leur âme au diable depuis longtemps. Un message aux fachos, je reste ici et pas ailleurs. Même si c'est de plus en plus chaud, je préfère mourir comme un homme que vivre comme un lâche. Un collabo, adorateur de dictateurs morts. Nos héros n'ont pas les mêmes valeurs. Sur les vôtres je crache, il faut que tu le saches. Va y avoir de la casse les jours où les comptes seront réglés. Les comptes seront réglés. Les comptes seront réglés. Les comptes seront réglés. Les comptes seront réglés.